éclaire tes yeux. Encore un verre de vin avant de chanter à deux. Encore mes yeux qui louchent dans ta prose qui s'égare, qui commence dans ta bouche, finit dans ma guitare. Encore mon amnésie de tout ce qui nous précède. Rester là cette nuit, c'est peut-être ça mon remède. Trouver que tu es belle et bâtir un empire. Ma victoire personnelle dans ton éclat de rire. Vivre l'extraspection dans ton appartement. Juste une dernière chanson avant la fin des temps. Mélange de tous les vices et de toutes les vertus. Dans ma vie tu t'immisces, tu chantes et puis me tues. Mélange de tous les vices et de toutes les vertus. Procure du bien sans même me toucher. Tu protèges de tes mains mes angoisses enfermées. Une âme sœur, une femme, je ne sais exactement. Un bonheur ou un drame, musique ou sentiment. D'où sors-tu, toi martienne, toi la fille de la mer. Toi l'ineffable sirène, toi la cruelle panthère. Deux ou trois filles par nuit, c'est inutile et vain. Quand tu es dans ma vie, tu les fais toutes en un. Quelle est donc cette force inédite et tentante? Quelle est donc cette écorce en moi dès que tu chantes? Mélange de tous les vices et de toutes les vertus. Dans ma vie tu t'immisces, tu chantes et puis me tues. Mélange de tous les vices et de toutes les vertus. Tes ratures, celles au creux de tes bras, et toutes ces fioritures qui font que tu es toi. Un jour je comprendrai les mystères de ton âme. Même si je finis par payer, tant pis, je veux suivre la trame. Et peut-être que le mot fin ne s'imprimera jamais, car la toute dernière page, tu l'auras déchirée. Mélange de tous les vices et de toutes les vertus. Dans ma vie, tu t'immisces, tu chantes et puis me tues. Mélange de tous les vices et de toutes les vertus. Dans leur vie, tu t'immisces, tu chantes et tu les tues.